إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous continuons, nous poursuivons l'explication du livre أعلام سنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Donc on s'est arrêté au chapitre, on avait commencé le chapitre de la foi au prophète, c'est-à-dire la croyance que tout musulman doit avoir envers les prophètes et comment cette croyance doit être. Donc la semaine prochaine, la semaine passée, Arfan, on avait donné en fait plusieurs points afin de faciliter la mémorisation de ce que l'on doit croire envers le droit ou pour ce qui est du droit des prophètes. Donc on va les rappeler, on continuera tout en prenant bien sûr comme support principal le livre que nous expliquons. Donc on avait vu la semaine passée, donc c'était sous la question numéro 88. Donc on s'était arrêté à la question 88. Il y avait un dernier point sur cette question qu'on n'avait pas vu et qui va représenter en fait le point suivant par rapport à la croyance des prophètes. Donc on avait vu le premier point, c'était que la prophétie était un pur choix d'Allah Azza wa Jal, istifa, ikhtiyar, mahd. Donc ça c'était pour ce qui était du premier point. Le deuxième point, on a vu que les prophètes ce sont les plus parfaits des hommes, akmal ul khalq, en ce qui concerne leur science, leurs œuvres, leurs croyances, leur comportement, leur caractère. Ça c'était le deuxième point. Ensuite, le troisième point, on avait vu qu'ils sont innocents d'une innocence absolue de quatre choses. On avait vu donc le mensonge, le kadhib, la tricherie, al rush, la dissimulation, al kitman, la traîtrise, al-khiyana. Pour ce qui est du quatrième point, ils ont accompli leur mission de manière complète et de la meilleure des façons. Ça, c'était pour le quatrième point. On avait bien sûr détaillé tout cela. On a vu aussi, donc ça c'est le quatrième point, le cinquième point, qu'ils sont des êtres humains. Il leur advient tout ce qu'il advient à un homme, dans ce qui n'est pas considéré comme une imperfection dans le droit des hommes. Donc ils mangent, ils dorment, ils se marient, ils tombent malades, ils se font tuer et ils meurent. Ça c'était pour le cinquième point. Le sixième point, on avait vu qu'ils sont protégés, Allah Azza wa Jalla les a protégés de tomber dans les grands péchés, et pour ce qui est des petits péchés, certains d'eux se heurtent à ces petits péchés, mais comme on avait vu, qui n'est pas en relation avec la révélation. Et lorsqu'ils font un petit péché, il se repente immédiatement de ses petits péchés, automatiquement. Donc ça on a vu, et c'est en fait l'avis de la plupart des savants musulmans. C'est l'avis de la plupart des savants musulmans, même s'il y a une différence, mais une différence qui est très très faible, comme nous l'a rappelé Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc tous les savants sont pratiquement tous unanimes pour dire que les prophètes peuvent tomber dans les petits péchés. On avait donné des exemples par rapport à cela, par rapport à certains prophètes et par rapport à notre prophète Mohammed salawatullah wa salam alayhi. Ça c'était pour ce qui est du cinquième point. Le sixième point. Ensuite, pour ce qui est du septième point, on avait vu qu'il fallait prendre garde de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de les élever au-dessus de leur rang. De prendre garde, al-havar, de ne pas tomber dans le droit des prophètes ou de ne pas exagérer dans le droit des prophètes et de les élever au-dessus de leur rang. Donc ça, c'était pour le septième point. On avait expliqué aussi cela en détail. Et enfin, pour ce qui est du huitième point, et c'est ce qu'on va voir en fait aujourd'hui. Non, on s'était en fait arrêté. Le huitième point, on n'en a pas détaillé. On avait expliqué en fait, on avait donné un éclaircissement par rapport à notre croyance envers qui ? Envers le prophète Isa, Jésus, alayhi salam. Donc aujourd'hui, on continue à partir du huitième point. Taïb. Ce huitième point, en fait, le Cheikh nous dit à la fin de l'explication de cette réponse à cette question, qui est la question 88. Donc on avait expliqué Isa. On avait vu que le Cheikh nous dit, donc ça c'est la fin de la réponse du Cheikh, وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ. Donc ça c'est le point qu'on a expliqué, le dernier point qu'on a expliqué. Ensuite le Cheikh il dit, وَأَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. Donc en fait ça va être en fait le huitième point, ce qui concerne la croyance que l'on doit avoir envers les prophètes, que la paix soit sur eux. Donc nous devons croire que certains prophètes sont meilleurs que d'autres. Sans que cela rabaisse, et donc ça c'est bien une condition, donc il faut bien comprendre cela, sans que cela rabaisse ou dévalorise le rang des autres. C'est-à-dire, le prophète qui a été préféré par rapport aux autres, les autres, leur rang et leur valeur ne sont pas en fait rabaissés. Donc ils ne sont pas dévalorisés par rapport à cette préférence. Donc ça c'est un point qui est essentiel à comprendre, c'est-à-dire qu'ils ont tous les honneurs de la prophétie, tous les honneurs qu'Allah Azza wa Jal leur a donné en les choisissant. Istifa, c'est un choix pur d'Allah Azza wa Jal, et donc il a choisi ce qui est de mieux. Allah Azza wa Jal a choisi ce qui est de mieux pour les communautés, donc il a choisi les meilleurs des hommes. Ça c'est aussi un point, akmalul khalq. Donc on voit que ces points-là se convergent convergent entre eux en fait. Donc on voit les relations qu'il y a entre eux, entre ces différents points. Donc je répète, le huitième point, c'est que certains prophètes sont meilleurs que d'autres sans que cela rabaisse ou dévalorise le rang des autres prophètes. Taïb, mad dalil, quelle est la preuve de cela? Une des preuves, donc le Cheikh en fait il nous a pas ramené une preuve ici, mais il y a en fait des preuves du livre d'Allah Azzawajal, et une des preuves c'est dans Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah qui est le verset 253. Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ça, c'est une preuve claire et nette. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Donc, du fait qu'ils ont été favorisés de la part d'Allah Azza wa Jal, donc on s'aperçoit que certains prophètes, cela en fait implique que d'autres, donc, que certains prophètes donc vont être meilleurs que d'autres, sans que cela en fait ne dévalorise le rang des autres, toujours. Et une autre preuve de cela, c'est Fi Surat Al-Isra, Fi Surat في سورة الإسراء et qui est le verset, donc le voyage nocturne, et qui est le verset 57. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ. Nous avons certes favorisé certains envoyés sur d'autres. Nous avons certes favorisé certains envoyés sur d'autres. Et donc on voit dans le premier verset, Al-Baqara, Surat Al-Baqara, que c'est le terme Al-Rusul qui est employé, et dans le deuxième verset, Surat Al-Isra, c'est le terme Al-Nabiyyin qui est employé. Et ça, Inch'Allah, on va voir la différence et la divergence des savants entre ces deux termes. Est-ce qu'il y a en fait une différence entre le terme Al-Rusul et Al-Rasul et le terme Al-Nabi et le terme Al-Nabi? Donc on verra ça, Inch'Allah, en détail dans le prochain cours, bi'idhnillah, tout en sachant que lorsqu'on traduit en langue française, en fait, on ne peut pas faire la différence. On ne peut pas faire la différence entre ces deux termes. Donc, on voit encore, du point de vue religieux, on voit en fait la précision de la langue arabe par rapport à la langue française. Et donc, lorsque l'on traduit, automatiquement, comme on dit, ça c'est connu, traduire, c'est trahir. C'est vrai que lorsqu'on en traduit, on ne peut pas apporter toutes les précisions que contient cette langue arabe lorsqu'elle est employée dans le domaine religieux. Taïb. Lakin, est-ce que l'on a le droit de faire une différence entre les envoyés? Est-ce qu'on a le droit de faire une différence entre les envoyés? C'est-à-dire que ici on va faire il y a en fait une différence qui est faite du point de vue que Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a favorisé certains envoyés sur d'autres. Donc ça, c'est une différence qui est faite. Mais il y a, donc ça, c'est la différence qui est acceptée au niveau de la religion, qui est acceptée au niveau de la religion. Et toujours en rappelant que cela ne rabaisse pas ou ne dévalorise pas le rang des autres. Mais est-ce qu'il y a une différence, yani tafriq, at-tafriq, est-ce qu'il y a une différence qui est, yani tafriq manhi anhu, qui est en fait interdit au niveau de la religion? Naam. Et en fait, al-murad bit-tafriq al-manhi anhu wal-iman bi-ba'dihim wal-kufru bi-ba'dihim. C'est ça en fait. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous informe dans ces versets, Allah Azza wa Jal, que nous n'avons pas le droit de faire de différence entre les prophètes, et ça en fait, ça, on va revenir au premier verset qu'on a vu dans ce chapitre. Qui est là, le verset 87, Warfwan, qui est dans la question 87, et lorsque Allah Azza wa Jal nous dit وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ Donc quelqu'un qui ne comprend pas le Coran, qui ne comprend pas les versets, pourrait nous dire, vous vous dites qu'Allah Azza wa Jal, il favorise des prophètes sur d'autres, et ensuite vous nous dites qu'Allah Azza wa Jal nous interdit de ne pas faire de différence entre les prophètes. Donc la personne, cette personne-là qui n'a pas compris, on va lui expliquer en fait que at-tafdil, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal a favorisé d'autres sur d'autres. Et ça va min fadlillah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal a favorisé des personnes qui ne sont pas des prophètes, qui sont en dehors des prophètes, il les a favorisés sur d'autres. Comme Allah Azza wa Jal a favorisé des compagnons sur d'autres. Allah Azza wa Jal a favorisé des compagnons par rapport aux autres. Ça, c'est dans notre croyance, la croyance des gens de la sunna et du consensus de même pour ce qui est donc des prophètes. Par contre, at-tafriq huna al-mani anhu, c'est-à-dire l'interdiction de faire la différence entre les messagers, qui est précisé dans ce verset, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire الْإِمَانُ بِبَعْضِهِمْ وَالْكُفْرُ بِبَعْضِهِمْ. C'est-à-dire croire en certains et ne pas croire en certains, mais croire en certains. Ça, c'est la différence qui est interdite de fait par rapport, qui est interdit d'appliquer par rapport aux messagers. Donc ça, il faut bien le comprendre. Quand on voit ce verset et d'autres versets, وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, et qui nous dit qu'il ne faut pas faire de différence entre les messagers, c'est ça, c'est-à-dire ne pas, la différence ici, c'est de croire en certains, de ne pas croire en d'autres. Comme l'ont fait qui les al-Yahoud ou al-Nasara, comme l'ont fait les juifs et les chrétiens. Les juifs ont cru en Moïse, ils n'ont pas cru en Isa. Les chrétiens ont cru en Moïse et ont cru en Isa, ils n'ont pas cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que nous, les musulmans, nous avons cru en Moïse, nous avons cru en Jésus, comme étant un prophète, et nous avons cru en Mohammed. Donc nous avons fait aucunement de différence entre les prophètes, du premier au dernier. Nous avons tous cru en ces prophètes, et donc on va voir la croyance par rapport aux prophètes de façon générale, par rapport à leur nombre. Ça, c'est un point qui va venir après. Donc ça, c'est le point essentiel, et c'est pour ça qu'en fait le premier verset que l'on a vu dans la question 87, pour revenir, et wa qala Allah azza wa jal, donc ça, pour revenir au début du verset, ou le verset qui est avant, deux versets qui sont avant, c'est-à-dire le verset 150, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. En fait, ce verset-là est une preuve. Donc en français, c'est la traduction du sens des versets: ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres. Donc après, Allah Azza wa Jalla, donc qui est le verset qui vient après, il nous dit donc والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا يعني ردا على هؤلاء وهم اليهود والنصارى. المقصود في هذه الآية اليهود والنصارى, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Où ils ont fait la différence, comme je vous ai expliqué. Et ça, vous pouvez revenir au tafsir de Ibn Kathir, qui explique en fait cela, et qui nous explique à travers la compréhension la compréhension des salafs, que le maqsoud par rapport à ce verset, ce sont donc les juifs et les chrétiens qui ont fait la différence. Comme je vous ai dit, les juifs ont cru en Moïse, mais ils n'ont pas cru en Isa. Donc ils ont fait une différence entre les... Ils n'ont pas cru en Isa, et ils n'ont pas cru donc en qui? En Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc après, les chrétiens, ils ont cru en Moïse, ils ont cru en Isa, mais ils n'ont pas cru en Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est al-maqsoud bil-aya. Et donc il rentre, bien sûr, tous les gens qui vont faire en fait une différence entre les prophètes, sachant que celui qui ne croit pas à un prophète dont Allah azza wa jalla a cité dans le Coran, ou qui est venu dans la sunna authentique du prophète, alors il faut savoir que cette personne va sortir de l'islam. Une personne qui ne croit pas en un des prophètes, par exemple un musulman qui dit moi je ne veux pas croire en Jésus comme étant un prophète, alors ça, il faut savoir que, bien sûr, après lui avoir enseigné, il faut savoir que cette personne-là, par cette croyance-là, va sortir en fait du dîn de la religion, va sortir en fait de la religion de l'islam, et ne sera plus considéré comme un musulman. Taïb, ensuite on va passer en fait à la question 89. On va expliquer maintenant la question 89, on va lire, on va l'expliquer, et en fait on va voir en fait que cette question 89 et la question 90 va rejoindre un point qui sera en fait, Inch'Allah, le point numéro 9. Naam. Donc il faut le chier dans la question numéro 89. هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ Je répète la question. هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ Donc ça, c'est la question 89, et qui est la suivante. Est-ce que le prêche des envoyés repose sur une même base en ce qui concerne leurs recommandations ou leurs obligations, leur ordre et leur interdiction, ou est-ce que leur prêche est commun? Est-ce que le prêche des envoyés est commun? Est-ce que le prêche des envoyés est commun par rapport donc à ce qu'ils rendent obligatoire, ou ce qu'ils obligent et ce qu'ils interdisent, ce qu'ils ordonnent et ce qu'ils interdisent? Donc ça, c'est la question. Donc le shir, en fait, il va répondre rahimullah wa yaqul ittafaqat da'watuhum min awwalihim ila akhirihim ala asli al-ibadati wa asasiha wa huwa at-tawhid. وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى أو بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا ويكفر بكل ما يعبد من دونه وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc en fait la réponse est la suivante. Donc il nous dit en fait le shir, et ça c'est un point qui est essentiel, un point qui est essentiel, fondamental au niveau de la compréhension de, du prêche des envoyés, du prêche des envoyés. Il nous dit le shir, leur prêche est commun. Leur prêche est commun. Le prêche des envoyés est commun. Du premier au dernier. Du premier des envoyés au dernier des envoyés, leur prêche est commun. Et ce prêche-là repose en fait sur une base unique, une base en fait qui va être unique pour tout le monde et qui est en fait la base de l'adoration, qui est en fait l'adoration. Et cette adoration-là, lorsqu'on dit al-ibada, ce qu'on dit al-ibada, on veut dire par là, on veut dire par là tawhid al-ibada. Tawhid al-ibada. C'est pour ça que le shir ensuite, il vient avec la définition de cette catégorie de tawhid. Et ça, en fait, on l'a vu dans les premiers cours, on l'a vu dans les premiers cours de façon détaillée. Et donc il nous rappelle en fait cette, la définition, cette définition qui est simple en fait à apprendre. Et il nous dit le shirk que c'est rendre, reconnaître, rendre Allah le Très-Haut, l'unique, unique. Non, rendre et reconnaître Allah le Très-Haut unique, seul, unique, par l'ensemble des catégories de l'adoration. Par l'ensemble des catégories de l'adoration, ce qui concerne la croyance, la parole et les actes. Ce qui concerne la croyance, la parole et les actes. Donc wa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'i al-ibadati i'tiqadan wa qawlan wa 'amalan. Donc ça en fait c'est la définition que nous donne le shir. Donc c'est ça la définition du tawhid, mais le shir en fait il va préciser wa yaqul wa yukfar bi kulli ma yu'badu min duni. Donc là on voit que l'aslan, c'est-à-dire les deux bases qu'on a déjà vues, al-ithbat wa an-nafi, c'est-à-dire après avoir affirmé que l'adoration suivant toutes ces catégories, suivant toutes ces formes, revient à Allah Azza wa Jal seul, il nous rappelle, donc ça, ou al-ithbat, il nous rappelle un nafi, qui est en fait de mécroire donc tout ce qui est adoré, adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou al-kuf bi kulli ma yu'bad min duni. Donc ça, tawhid al-tawhid, al-maqsoudun al-tawhid al-uluhiya, al-tawhid al-ibadah, التوحيد الإلهية المقصودنا ou ce tawhid c'est en fait le prêche commun de tous les envoyés, de tous les envoyés, du premier au dernier. On verra qui c'est le premier jusqu'au dernier, on verra qui c'est le dernier, comme tout le monde bien sûr le sait. Donc voilà ce que nous dit en fait le shir, voilà ce que nous dit le shir. Par contre ensuite il nous précise, il va nous préciser un autre point. Il nous dit pour ce qui est des obligations avec laquelle on adore Allah Azza wa Jal, elles peuvent être en fait comme par exemple un exemple comme ce qui est de la prière, comme ce qui est du jeûne. Il dit en fait qu'elles peuvent être obligatoires pour certains prophètes et donc pour certaines communautés, et elles peuvent être non obligatoires pour certaines autres, pour certaines autres communautés. Donc ça, ça va être une différence. On va voir un peu, on va voir en fait on va voir plus en détail par rapport à ce point-là. Et on va voir en fait ce détail, ce détail-là qui en fait qui va revenir à la question 91 du shir, à la question 91 du shir. Donc il nous dit le shir en fait que il y a quelque chose, il y a leur prêche, le prêche des envoyés est commun, mais il va avoir un point où il va avoir une autre, on va dire une autre partie de la religion qui va être là, être différente suivant les prophètes. On va l'expliquer, inshallah, le shir va nous l'expliquer en détail. Et il nous dit aussi que certaines choses qui sont licites, ou certaines choses qui sont licites pour une communauté ne peuvent pas l'être pour une autre communauté. Donc ça aussi c'est une des différences qu'il va y avoir. Et ensuite il nous dit que cela c'est Allah Azza wa Jalla a fait cela, il y a fait une différence par rapport à ce qui est propre à la législation. Donc on verra que c'est en fait la législation, la sharia, où le shir nous dit plutôt qu'en fait al-maqsoud ou al-hadaf, c'est-à-dire le but de cela, c'est l'épreuve, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous éprouve par cela. Lorsqu'il nous interdit quelque chose et lorsqu'il nous rend une chose licite, c'est en fait par quoi? C'est en fait par épreuve, par irtibaran, c'est-à-dire il nous éprouve Allah Azza wa Jalla par cela. Et il voit celui qui va suivre ses interdits, celui qui va suivre ses obligations et s'éloigner de ses interdictions de celui qui ne va pas le faire. C'est pour ça que le cheikh imtihanan min Allah ta'ala yabluwakum ayyukum ahsanu amala, jusqu'à qu'il sache Allah azza wa jalla qui ce qui va être le meilleur d'entre vous en ce qui concerne les œuvres, en ce qui concerne les œuvres. Donc il nous éprouve pour savoir quel est d'entre nous le meilleur en ce qui concerne les œuvres. Non. Donc voilà pour ce qui est de la question 89. Taïb al-Shir, à chaque fois donc qu'il apporte une base, et ça c'est vrai que c'est une base au niveau de notre croyance, de croire que le prêche des envoyés communs, qui repose sur l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration, il va nous demander une preuve. Ça c'est la question 90, il va nous demander une preuve. Yaqul mad dalilu ala ittifaqihim fi asli al-ibadati al-mafkura. Fi asli al-ibadati al-mafkura. Donc il nous dit quelle est la preuve de leur quelle est la preuve de leur ittifaq ala ittifaqihim, c'est-à-dire quelle est la preuve de ce point qui est commun et qui repose en fait sur cette base qui est l'ibada, qui est en fait l'adoration qui a été citée. Il veut dire par là le shirk tawhid al-uluhiyya. Donc il nous dit quelle est la preuve, il va nous demander la preuve par rapport de cela. Pourquoi nous on dit en fait que cette quelle est la preuve que ce prêche des envoyés est commun et qu'il repose sur at-tawhid. Fayaqul الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين على نوعين الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل مجمل ومفصل أما المجمل فمثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله تعالى أو وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون الآيات وأما المفصل فمثل قوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقال موسى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات. Donc en fait le cheikh va nous rapporter beaucoup de versets pour prouver en fait cette base qui est essentielle et qui est en fait la croyance de tout musulman, que tous les prophètes sont venus avec un prêche qui est commun, qui repose sur l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration. Donc on va citer certains des versets. Le premier verset, qui est un verset aussi qui est essentiel, Naam, et qui est le verset en fait qui se trouve dans le sourate les abeilles, et qui est le verset 36. Ça on l'avait déjà vu en fait, ce verset on l'avait déjà expliqué, le cheikh nous le redonne ici, et c'est une preuve du sujet dont on parle. Donc il nous dit, nous avons envoyé dans chaque communauté Allah Azza wa Jal, ou la signification des sens des versets, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Donc nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Donc dans chaque communauté, Allah Azzawajal a envoyé un messager. Ça c'est le premier enseignement que nous donne ce verset. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ فِي كُلِّ أُمَّةِ Quoi ? Qu'est-ce que nous avons envoyé ? رَسُولًا رَسُولًا Nous avons envoyé un messager. Adorez Allah, c'est-à-dire pour leur dire, sous-entendu pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Al-Ithbat wa nafi. Adorez Allah. Adorez Allah. U'budu Allah. U'budu Allah. Adorez Allah azawajal. Al-Tawhid. Al-Uluhiya. Wajtanibu al-Tawhid. C'est-à-dire, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azawajal. Donc, al-Tawhid, c'est en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azawajal. Bien sûr, les savants détaillent ce terme-là, mais on va le dire de façon générale et on dit que ce terme veut dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah azawajal. Et donc ici c'est tahqiq al-tawhid, c'est-à-dire la concrétisation par cette par l'application de ce verset, on comprend et on va appliquer, on va concrétiser le tawhid, l'unicité d'Allah azawajal dans son adoration. U'budullaha wajtanibu at-taghut. Donc ça c'est la parole de tous les envoyés. Donc c'est hadha wa shahid, shahid, le point argumentatif de ce verset est cela, c'est que tous les prophètes l'ont dit. Fi kulli ummatin rasulan, rasulan, c'est-à-dire tous. Allah Azza wa Jalla désigne tous les envoyés. Fi kulli ummatin rasulan, na'am. Donc ça c'est pour ce qui est du premier verset. Et avant cela, na'am, avant cela, j'ai oublié de vous citer ce point, c'est que le shir en fait il nous dit que les preuves de cela, de ce qu'on est en train de dire, sont de deux catégories. Une catégorie qui est considérée comme une catégorie qui sont des preuves en fait générales, des preuves générales, na'am, et une autre catégorie de preuves qui sont des preuves détaillées, C'est pour ça qu'il nous dit الدليل على ذلك من الكتاب على نوعين مجمل ومفصل. Il a commencé en fait pour ce qui est global. Donc on voit en fait que c'est global ici, que c'est global. Qu'Allah Azza wa Jalla dans ce verset il nous dit de manière globale que tous ses envoyés, il les a envoyés à façon de afin de concrétiser ce tawhid qui est tawhid al-ibada. طيب. Et ensuite al-mufassal, lorsqu'il va nous dire al-mufassal, c'est-à-dire al-dalil al-mufassal, c'est-à-dire les preuves. Les preuves qui sont détaillées, en fait, il va citer Allah Azza wa Jal, comme c'est cité dans le Coran, comme il nous cite dans son livre, il cite comme cela est cité, et particulièrement dans Fi Surat Al-A'raf, où Allah Azza wa Jal va en fait détailler et va nous préciser et va nous détailler que chaque prophète, en les citant par leur nom et en citant dans le peuple dans lequel ils ont été envoyés, il va les citer par leur propre nom et le nom de leur peuple. Donc ça, on va toujours faire le mujmal. Le deuxième verset donc c'est le suivant qui est en fait le verset 25, qui est le verset 25 dans la sourate les prophètes. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous avons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc ça c'est encore une autre preuve, c'est une deuxième preuve. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager. C'est-à-dire, on n'a pas envoyé un seul messager à qui nous n'avons révélé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un envoyé que nous n'avons pas envoyé sans que nous lui avons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc ça encore c'est tawhid, tawhid al-uluhiya, et al-ibad, tawhid al-ibad. Donc ça c'est toujours une preuve que les prophètes ont tous été envoyés sur cette pour concrétiser auprès de leur peuple cette base fondamentale et qui est en fait la base de cette religion de l'islam qui est at-tawhid. Et en fait le troisième verset, le dernier verset qui nous cite pour ce qui est du mujmal des preuves générales, il nous dit, c'est le verset donc dans surat l'ornement qui est le verset 45, et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités adorées. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal istifham inkari, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal pose la question mais afin de réfuter ce que croient les polythéistes. Et donc il dit à son messager et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités adorées. Est-ce que, c'est-à-dire rapporter ou apporter simplement des informations d'un seul prophète qui a institué, qui a appelé les gens à adorer un autre qu'Allah Azzawajal, c'est-à-dire à ne pas concrétiser le tawhid, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-ilahiyya, apportez-moi un seul prophète. Donc ça, en fait, c'est encore une preuve qu'Allah Azzawajal, tous ces prophètes-là ont été envoyés, il les a tous envoyés avec cette base qui est la concrétisation de l'unicité d'Allah Azzawajal. Taïb, maintenant on passe aux versets qui sont dits, aux preuves qui sont dites détaillées. Et donc en fait là, comme je vous ai dit, Allah Azzawajal, il nous cite dans son livre, dans son Coran, et ça c'est sont des preuves que chaque envoyé ont été envoyé à leur peuple pour concrétiser cette base. Le premier verset qu'il va nous donner, le shir, c'est Fi Surat Hud, et qui est le verset 61. On traduit par Thamud, et qui sont en fait Al-Thamud, en arabe, Al-Thamud. Donc ils le traduisent par Thamud. Et nous avons envoyé au Thamud leur frère Salih, donc le prophète Salih qui est envoyé à son peuple qui s'appelle Al-Thamud. Et qui dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité où? Donc ils disent, nous n'avons point de divinité en dehors de lui. Et en fait, la bonne traduction, c'est personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Azzawajal. Personne ne mérite l'adoration en dehors d'Allah Azzawajal. Aussi, un autre verset qui nous apporte le shir, c'est Fi Surat l'ornement. L'ornement qui est le verset 26 et aussi le verset 27. Et lorsqu'Abraham ou Ibrahim dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc là, on voit encore qu'à travers ce verset, on voit encore une base, comme on a vu, et qu'on respecte toujours. Et ça, c'est important. Parce que là, lorsque la personne va parler avec des versets du Coran, il va lire le Coran, il va s'apercevoir en fait de la valeur des preuves qui sont présentes dans le Coran, qui sont en relation avec le Tawhid. Donc on voit ici ce verset qui est le suivant, wa idh qala ibrahim li abihi wa qawmihi, lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, innani bara'un mimma ta'budun, je désavoue totalement ce que vous adorez. Donc la ilaha, ça c'est marna, la ilaha, c'est bidbat, c'est en fait ce verset là, c'est marna la ilaha illallah, kalimat al-tawhid, tawhid al-ibada, innani bara'un mimma ta'budun, je désavoue totalement ce que vous adorez, illa, à l'exception, illa alladhi fatarani, illallah, la ilaha illallah, illa alladhi fatarani, sauf celui ou à l'exception de celui qui m'a créé, sauf à l'exception de celui qui m'a créé, et qui est bien sûr Allah Azza wa Jal, fatarani, qui est le créateur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux et de ce qui est à l'intérieur d'eux, subhanahu wa ta'ala, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc ça c'est surat l'ornement, et ça c'est une preuve, et c'est la signification la ilaha illallah. Non. Donc ça c'est encore une preuve. Il va nous donner encore une autre preuve, le shir, toujours mufassal. Et ça concerne Isa. Donc ça c'est une preuve qui va en fait aller en encontre de qui? Qui va à l'encontre des Nasara, qui va à l'encontre des chrétiens. Allah Azza wa Jalla nous prouve encore à travers ce verset que Isa, sa fonction et sa mission n'étaient d'autres que d'appeler les gens à adorer Allah Azza wa Jalla l'unique. Et dans le Coran, les versets qui prouvent cela sont remplis. Il est bien de les apprendre afin de faire la da'wah aux chrétiens et de leur prouver et de leur démontrer que notre croyance est une croyance qui est saine. Nous ne faisons la différence, aucune différence entre les prophètes, que ce soit entre Isa et les autres, entre Jésus. Nous croyons tous que ce sont des prophètes avec leur honneur, mais nous n'exagérons pas dans nos rangs, comme on a précisé dans le cours dernier, et qu'en fait ce sont tous des gens qui ont enlevé le rang le plus élevé auprès des hommes. Et donc, par cela, on va leur prouver en fait que cette religion, c'est din al-fitra, c'est-à-dire la religion qui repose en fait sur la nature qui est saine, la raison saine, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ala ni'mat al-islam. Donc le verset c'est le suivant: ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres vues divinités, Allah lui interdit le paradis. Allah Azza wa Jal, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Ça aussi c'est une preuve en même temps que la personne qui associe à Allah Azza wa Jal, sa destination sera le feu. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Ça c'est la sourate, la table servie, Al-Ma'ida, et c'est le verset 72. Donc voilà pour ce qui est des versets qui rentrent en fait dans les preuves qui sont dites détaillées. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal cite les prophètes par leur nom et il nous prouve qu'ils ont tous appelé à cette même base qui est l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Taïb, maintenant le deuxième point. On avait vu en fait que par rapport à ça, ils ont en fait un point commun. Mais il y a un point où ils divergent. C'est-à-dire il y a une partie de la religion qui est donc commune, et ça c'est cette partie, c'est là en fait la croyance, c'est le tawhid, mais il y a une autre partie où il va avoir une divergence entre eux. Et en fait, il va nous l'expliquer maintenant le shir dans la question 91. Fayaqul shir rahimullah ta'ala: ma dalil ikhtilaf shara'i'ihim fi furu'iha min al-halal wal-haram. Ma dalil ikhtilaf shara'i'ihim fi furu'iha min al-halal wal-haram. Donc la question est la suivante: quelle est la preuve de leur divergence qui est propre à la législation en ce qui concerne les branches, c'est-à-dire les branches de cette législation du point de vue du licite et de l'illicite, du point de vue du licite et de l'illicite. Donc le cheikh il va nous répondre en nous donnant une preuve du Coran et une preuve de la Sunna. Donc on va expliquer ces deux preuves, une preuve du Coran et une preuve de la Sunna, pour nous prouver ce qu'il dit. Donc il nous dit en fait, le cheikh il avance en fait qu'il y a au niveau de la religion un point qui est commun, c'est-à-dire la prêche des envoyés qui est donc commun à tous les envoyés, qui est le tawhid, mais il y a une partie et qui est en fait la législation. C'est pour ça qu'il nous dit shara'i'ihim, et qui est sharia, c'est-à-dire qui est la législation islamique, qui est en fait relatif ou qui est en fait en relation en ce qui concerne le licite et l'illicite. Ça en fait ça va diverger d'un prophète, où il va avoir des divergences à ce niveau d'un prophète à un autre prophète. Donc, Yaqul al-Shir, il va nous répondre à cela, en nous donnant les preuves une preuve du Coran et une preuve de la Sunna. Fa Yaqul al-Shir, Qawlullahi Azza wa Jal, c'est-à-dire Dalil, Qawlullahi Azza wa Jal, Likullim ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, wa law sha'allahu la ja'alakum ummatan wahida, walakin liyabluwakum. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. Donc ce verset c'est le verset suivant qui se trouve dans sourate la table servie, Al-Ma'ida, et qui est le verset 48. Ça c'est une preuve qui est importante à connaître en ce qui est en relation avec notre sujet. Donc là c'est la traduction du sens des versets est la suivante: à chacun de vous nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc c'est comme ça qu'ils le traduisent: à chacun de vous nous avons assigné une législation. Donc on voit le terme shira'atan, donc ils le traduisent par législation, et un plan à suivre. Ou min haja. Donc on va voir pour ces deux termes là l'explication que nous a donnée Mufassir al-Qur'an Ibn Abbas. Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc vous dans les bonnes œuvres. Donc le shahid fi hada, l'argument ou le témoin argumentatif de ce verset est le suivant: لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Donc ça veut dire à chacun, c'est-à-dire à chacun des que ce soit des prophètes et que donc ce soit des automatiquement des communautés. Nous avons mis quoi? Nous avons donné quoi? Nous avons assigné quoi? Une législation. Donc une législation qui va être propre à qui? À cet envoyé, qui va être propre à cette communauté. Taïeb. Et un plan à suivre. Et un plan à suivre. Donc c'est comme ça qu'il le traduit. On va voir que en fait, on peut le traduire par chemin. Taïeb. Donc il va nous donner l'explication de ces deux termes. Shira'atan. Qala ibn Abbas radiyallahu anhuma. Shira'atan wa minhaja sabilan wa sunnatan. Sabilan wa sunnatan. Wa mithlahu qala Mujahid wa Ikrima wa al-Hasan al-Basri wa Qatada wa al-Dhahhak. وسودي وابو اسحاق السبيعي وفي الصحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نحن معاشر الانبياء اخوه لعلات لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول ارسله وضمنه كل كتاب انزله واما الشرائع فمختلفه في الاوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc en fait c'est la suite de la réponse du shir. Donc Ibn Abbas, pour revenir donc au verset, Ibn Abbas il nous donne cette explication shira'atan wa minhaja, donc le terme shira'a qui expliquait ici, c'est-à-dire sabila. Donc en fait sabila, si on peut traduire en fait au niveau de la langue arabe, on peut traduire comme la voie, comme la voie. Mais en fait elle maqsoud ici c'est sabil, donc c'est la voie qui va être dressée par rapport à cette religion. Et donc ça va en fait revenir à la législation. Ça va revenir à la législation. C'est pour ça que le chien en fait nous a dit irtilaf shara'i'ihim. Donc voilà pour ce qui est de l'explication shira'atan wa minhajan yani sunatan, c'est-à-dire c'est là c'est une conduite. Donc c'est une conduite. Donc sabil un chemin et en fait sunatan conduite. Même si les termes en fait vont être proches. Donc c'est une preuve donc que la conduite que va avoir une communauté et la législation que va avoir une communauté va être différente d'une autre communauté. Donc les prophètes vont avoir des législations qui vont être en fait différentes, des législations qui vont être différentes. Et il nous précise le shir dans la question. Fi furu'iha. Donc ça c'est en fait fi furu'. Ça va être considéré comme el furu'. C'est-à-dire les branches et non la base et non les bases. Par contre, les bases, ils sont tous d'accord, comme on l'a vu. Et ça, c'est la croyance en fait. Donc, il n'y a pas d'irtilaf ben al-anbiya fima yata'allaq bil-irtiqad. Non. Ensuite, le shir, donc, il nous dit que cette explication qui nous est donnée par Ibn Abbas, ça nous est donnée par une série ou plusieurs en fait grands parmi les salafs et parmi les tabi'in qui nous est donnée par les grands mufassirin, c'est-à-dire ceux qui ont expliqué. Et qui ont expliqué les versets du Coran. Ensuite, le shir va nous donner un hadith qu'on va expliquer en détail. On va expliquer ce hadith en détail qui va nous donner le shir. Le shir, en fait, il nous a donné une partie. On va reprendre le hadith de façon complète, comme l'imam al-Bukhari fi sahihi fi bab al-anbiya fi bab al-anbiya, comme il l'a en fait cité l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Donc le hadith est le suivant. Le hadith est muttafaqun alayhi, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et par l'imam Muslim. Et c'est un hadith qui est rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم انا اولى الناس بعيسى ابن مريم انا اولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والاخره والانبياء اخوه لعلات إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد أمهاتهم شتى ودينهم واحد. Donc en fait ça c'est la version complète du hadith qui nous est rapporté dans Sahih al-Bukhari, ou qui est une version qui va être plus longue que celle que nous rapporte le shir rahimallah ta'ala. On va expliquer ce hadith en détail. طيب أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. Qu'est-ce que veut dire en fait ce terme-là? En fait, on le traduit, et on va expliquer en fait pourquoi on le traduit comme ça. Et avant de donner la traduction, donc de donner l'explication, on voit que le prophète ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal-akhirah ». Tayyib ? Donc on laisse le terme en arabe, on va l'expliquer. Par contre, maintenant, on a en fait ishkal. En fait, on a un ishkal. C'est-à-dire qu'on a une ambiguïté. Pourquoi on a une ambiguïté par rapport à cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam ? On a une ambiguïté en fait. Bien sûr, quand on dit ambiguïté, c'est une ambiguïté qui est apparente, une ambiguïté qui est dans notre, en fait, dans notre esprit à nous, dans notre, par rapport à notre intelligence. Mais c'est pour ça que quand on parle d'ishkal, c'est un ishkal qui nous revient à nous. Sinon, la ishkal fi din, ou la ishkal fi al-nusus al-shar'iyya. L'ishkal, il revient à nous, taïb. Ou bien qu'on précise cela. Donc l'ishkal, c'est qu'en fait, on a un verset du Coran, on a un verset du Coran qui est le suivant. Donc je vais le citer. Et on va comprendre maintenant l'ishkal et on va comprendre en fait quelle est en fait la signification et par rapport à cet ishkal, c'est-à-dire par rapport à cette ambiguïté, on va comprendre la signification de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on va comprendre la signification du verset en même temps. Donc on prendra deux significations. C'est ce verset qui se trouve fi Ali Imran, fi surat Ali Imran et qui est le verset 60. Nam, le verset 60. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. طيب. Donc la signification du verset comme il nous est donné. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi. C'est-à-dire, inna. On voit maintenant al-ibara. Si on voit le terme qui est employé au niveau de la langue arabe pour bien comprendre en fait, ishkal. Pour bien comprendre l'ishkal, donc il ne faut pas revenir à la traduction. Inna awla an-nas bi Ibrahim lalladhina ittaba'u wa hadha an-nabiy wa alladhina amanu. Donc le maqsoud huna wa hadha an-nabiy, le maqsoud huna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète Mohammed. Wa alladhina amanu, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi dans la croyance, ceux qui ont cru avec le prophète, qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce quoi il est venu. Tayyib. Donc pour bien comprendre en fait. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jalla? Inna awla an-nas bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu. Donc certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète. Et le prophète c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha an-nabiy walladhina amanu, et ceux qui ont la foi, c'est-à-dire ceux qui ont cru. Et Allah est l'allié des croyants. Wallahu waliyul mu'minin. Et Allah est l'allié des croyants. Donc ici on voit que inna awla an-nas bi Ibrahim, on voit que ce qui est cité, c'est que c'est notre prophète. Bien sûr, après ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi donc les adeptes d'Ibrahim, ceux qui ont suivi Ibrahim dans sa voie, donc ceux-là, bien sûr, ils sont dignes de lui. Mais ensuite, ce qui vient après, l'alladhina tabarou, après, le terme, c'est la suite du verset, wa hadha an-nabiyyu, c'est-à-dire notre prophète. Et dans le verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam. Donc on voit maintenant l'ishkal. Et en fait, qu'est-ce que, à travers donc cet ishkal, tawjih al-ishkal, c'est-à-dire qu'on va en fait, on va expliquer en fait cette ambiguïté pour en fait la dissiper. Yaqul wa hadha kalam Ibn Hajar, rahimahullah, fi al-Fath. Yaqul in al-ayat min jihati quwwati al-iqtida'i, amma al-hadith fa min jihati quwwati qurb al-'ahd. Fa min jihati quwwati قرب العهد. Donc je répète l'explication du shir. Inna al-aya, c'est-à-dire ce verset, min jihati quwwati al-iqtida, wa amma al-hadith fa min jihati quwwati qurb al-ahd. Et en fait, avec cette explication que nous donne le shir, on va comprendre quelle est la signification du hadith et du verset. En fait, le shir il nous dit le verset relate l'aspect de la conformité totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la voix de qui? De Ibrahim. Donc comme Ibrahim a appelé bien sûr au Tawhid. Donc le verset relate l'aspect de la conformité totale à l'iqtida. Donc le verset relate l'aspect de la conformité totale à l'iqtida. Quwwat al-iqtida, qui est une conformité qui est forte, qui est totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la voix de qui? De ce prophète qui est Ibrahim. C'est-à-dire que le prophète a suivi le prophète Ibrahim comme il se doit, d'une conformité totale, bien sûr, fil usul, c'est-à-dire fi asl al-tawhid, qui est en fait la fi hadha al-asl al-ibada, comme nous l'a expliqué le shir, qui est le tawhid. Donc là maintenant on comprend le verset. Taïb, ça c'est pour ce qui est du verset. Donc on comprend maintenant Inna awla an-nasi bi Ibrahim. On comprend cette expression qui revient en fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, pour ce qui est du hadith, donc il nous dit le shir, amma al-hadith, c'est-à-dire ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam fi dunya wal akhirah, amma al-hadith fa min jihati quwwati qurb al-ahd. C'est-à-dire le hadith relate l'aspect de la proximité temporelle entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa et Isa, ou entre Isa et Mohammed, c'est-à-dire qu'il est venu après lui. C'est pour ça qu'il nous dit fil Ibn Hajar, il nous dit ay yani aqrab an-nas bihi aw na'am aqrabuhum ilayhi na'am aqrabuhum ilayhi li'annahu bashar yati min ba'di li'annahu bashar yati min ba'di yani ay ahaqq an-nas bihi wa aqrabuhum ilayhi li'annahu bashar yati min ba'di na'am. Donc ce qui nous prouve en fait que la signification de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est proche et le plus proche en fait de Isa pour ce qui est de la proximité, en fait de cette proximité comme on a dit temporelle. C'est pour ça qu'il a dit qu'il shir quwwati qurb al-ahd. Donc on sait qu'en fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au niveau du temps, est venu tout de suite après Isa. Il est venu tout de suite après Isa, même s'il y a en fait une différence. Certains savants disent qu'il y a comme fi surat Yasin, lakin la natrul fi tafasil. طيب, donc on voit maintenant la signification. On voit la signification du hadith أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. Ensuite, donc il sera proche de lui aussi fil يوم في الآخرة. Donc il sera proche de lui par rapport à dans l'au-delà, par rapport au darajat. Ensuite, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم, et ça en fait c'est shahid, c'est-à-dire le témoin argumentatif de ce que nous sommes en train de parler. Donc ça c'est en fait la deuxième partie du hadith. وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ. طيب. الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ, c'est-à-dire les envoyés, les prophètes sont des frères. لِعَلَّاتٍ, qu'est-ce que veut dire ce terme عَلَّات, qu'est-ce que veut dire ce terme عَلَّات? Donc il faut comprendre ce terme pour qu'on puisse comprendre le hadith et qu'on puisse comprendre en fait l'aspect argumentatif de ce hadith par rapport à la question dans laquelle ou par rapport à laquelle nous traitons. Donc le terme allat, qu'est-ce que veut dire ce terme allat? Ça c'est un pluriel. Mufraduhu, c'est-à-dire le singulier de ce terme, c'est alla yani bil ayn wal lam mushaddada al alla, qui en fait ad-darra. Donc ça c'est le pluriel de Allah, Allat. Qu'est-ce que c'est en fait? Au niveau donc de ce terme, que veut dire ce terme? Ce sont en fait des enfants, les Allatin, des enfants, yani banu Allat, des enfants qui sont d'un père unique, qui sont d'un père unique et de mère différente. C'est ça en fait Allat, banu Allat. Donc lorsqu'on dit Allat, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont d'un père unique et de mère différente. Voilà le terme, la signification de ces termes, allat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique cela après. Il dit wa ummahatuhum shatta, c'est-à-dire la mère de ces prophètes sont différentes. Shatta sont différentes. Wa ummahatuhum shatta. Donc, pour simplement donner une faïda, ça c'est pour ce qui est, lorsqu'on dit, donc c'est une faïda au niveau de la langue arabe, c'est bien de le savoir. Donc on dit allat pour ce qui est des enfants qui sont d'un père unique et de mères différentes. Le contraire, lorsque la mère est unique et les pères sont différents. C'est-à-dire que la mère s'est mariée plusieurs fois. Elle a été divorcée, elle a été mariée, donc elle peut avoir eu plusieurs maris. Donc le contraire, lorsque la mère est unique, les enfants ont une mère unique, mais qui ont des pères qui sont différents. On appelle ça el-akhiaf. El-akhiaf. Donc ça, c'est le terme qui est contraire au terme allat, qui est employé dans ce hadith. Al-Akhyaf. Donc ça, ce sont les enfants qu'ils ont, qui sont d'une seule mère et de pères différents. Taïb. Et le troisième terme, en fait, donc ça, c'est un terme, je pense, que tout le monde connaît, c'est Al-Ashirqa, qui est le pluriel de Shaqiq. Et ça, en fait, c'est les enfants qui sont du père et de la mère, du même père et de la même mère. Al-Ashirqa. Al-Ashirqa'u. Et qui est le pluriel de Shaqiq. Donc voilà pour les trois termes. Al-Lat, Al-Allat, Al-Akhiaf, Wal-Ashiqa. Taïb. Donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé ce terme? En fait, subhanallah, c'est très subtil de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. C'est-à-dire par rapport à ça que en fait leurs législations vont être différentes. Leurs législations vont être différentes, mais la base de leur religion est la même. Et en fait, ce qui est le tawhid, ce qui est le tawhid. C'est pour ça qu'après donc le cheikh nous dit ya'ni bidhalika tawhid. Dinuna wahid, ya'ni bidhalika tawhid. Par contre, le terme allat et qui revient à dire que ce sont d'un père qui est unique et deux mères différentes, c'est-à-dire qu'ils ont une législation qui est différente. Mais le tawhid est ce qui les réunit, comme si c'était en fait un père unique. Donc on voit en fait la comparaison que nous a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لِعَلَّاتِنْ مَهَاتُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٍ. Donc ça c'est encore une preuve que nous venons de ce que le shir affirme, c'est-à-dire que la religion par rapport à sa base qui est en fait le tawhid, elle est unique pour tout ce qui est des envoyés, pour tout ce qui concerne le prêche des envoyés, et elle est différente pour ce qui concerne les législations. C'est pour ça qu'après yaqul ash-shir yani bidhalika at-tawhid alladhi ba'atha Allahu bihi kulla rasulin arsalahu wa dammana kulla kitabin anzala wa amma ash-shara'i'u fa mukhtalifatun fil awamir wan nawahi wal halal wal haram. Donc il nous dit, il veut dire par là le tawhid par lequel Allah a envoyé les prophètes et qui est contenu, ce Torah qui est contenu dans chacun de ces livres. Torah, avant qu'elle soit falsifiée par les juifs, ce qui était présent dans ce livre-là, c'était le Torah. La base de ce livre, c'était le Torah. Donc c'est pour ça que le shir nous dit c'est-à-dire qu'il a fait que tous ces livres contiennent ce quoi contiennent en fait le Torah. Et pareil pour l'évangile, avant que l'évangile ait été falsifié par les juifs et les chrétiens, alors il faut savoir que l'évangile en fait appelait à l'unicité d'Allah Azzawajal, seul, l'unique, l'adoré, subhanahu wa ta'ala. Par contre il nous dit pour ce qui est des législations, ash-shara'i', pour ce qui est des législations, quant à elles, donc elles sont différentes dans ce qui fait partie des obligations et des interdictions, du licite et de l'illicite, comme on l'a expliqué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont licites pour une communauté qui étaient illicites pour l'autre communauté, et ou vice-versa. Il y a des choses qui étaient obligatoires pour une certaine pour une communauté et qui n'étaient pas obligatoires pour une autre communauté. Certaines ibadas, c'est-à-dire certaines adorations qui sous leur pratique qui était différente, par rapport à certaines communautés, que ce soit par exemple par rapport au temps, par rapport au nombre. Donc il y avait des différences suivant les communautés. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, donc pour qu'il vous éprouve et pour qu'il sache qui va être d'entre vous le meilleur pour ce qui concerne les actions, les œuvres. Donc voilà pour ce qui est de l'explication d'aujourd'hui du livre A'lam sunnati al-manshura li'i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura lil-'allama Sheikh Hafiz Ibn Ahmed Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Donc le prochain cours inchallah vendredi prochain, on attaquera donc la question numéro 92. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.